Moselle. C'est nul. Il est nul ce morceau. C'était mieux l'autre. We'll be right back. a July morning, looking for love.